Le monde continue de tourner avec ses codes alambiqués. Nous orientons nos discussions en mécanique répétition, éparpillant nos centres d'intérêt à des techniques sans intérêt, tous identiques avec nos clics, un monde antique rempli d'addicts. Pourtant on agit et on pense à comment faire pour qu'on avance, à programmer nos logiciels d'arborescence exponentielle, réfléchir à en mourir, à des complexes devenir, cerveau dispo mais sans repos, tous au galop, métro boulot, mais ce qu'il faut et bien plus haut, tous au galop pour un monde plus beau. Relier nos cordes célestes en une gigantesque harmonie, que le paradis soit terrestre, enivré de vie, c'est ça la vie. Que le paradis soit terrestre, enivré de vie.